Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Trajectoire d'exil face à l'inquisition espagnole. Du 8e siècle jusqu'au 15e, l'Espagne accueille plusieurs religions, des chrétiens, des juifs, des musulmans, bien sûr. Mais dans cette histoire de Reconquista, il y a l'inquisition, il y a des maranes, il y a des morisques. Quelles sont leurs trajectoires d'exil ? Natalia Muchnik, bonjour. Bonjour. Je viens d'évoquer l'idée que l'Espagne médiévale connaît plusieurs religions, accueille plusieurs religions sur son territoire. Est-ce que cela est conflictuel au sens où, quand nous pensons à la présence musulmane au sud de l'Espagne et puis à la Reconquista qui avance, nous voyons une ligne de frontière. Ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender les religions en Espagne. Disons que on a souvent l'image d'une d'une coexistence paradisiaque et idyllique entre les différentes religions du livre, des différentes religions monothéistes. Je dirais qu'effectivement la situation est plus complexe. Peut-être que nous aurons l'occasion plus tard de réévoquer à nouveau la Reconquête, mais disons que à partir de la paix, de la période du XIVe siècle, la situation se tend, notamment à l'égard des Juifs. Les mesures répressives s'accentuent jusqu'au XVe siècle et la création de l'Inquisition espagnole en 1478 et effectivement une période de tension croissante de la création de l'Inquisition, sachant que l'Inquisition de toute manière est une institution, donc un tribunal d'église qui existait déjà au Moyen-Âge. Mais il y a effectivement une réactivation dans toute l'Espagne à partir du XVe siècle pour tout d'abord effectivement s'attaquer donc, alors là il y a peut-être des termes de définition un peu complexes parfois, mais il faut se souvenir que l'Inquisition s'attaque avant tout aux chrétiens, elle s'attaque pas aux juifs, aux musulmans, elle s'attaque aux chrétiens, mais considérés comme hérétiques ou déviants, puisque l'Inquisition s'occupe à la fois des crypto-musulmans, hein, que l'on appelle aussi par ailleurs morisques, aussi aux crypto-judaïsants, que l'on appelle aussi maranes, mais également à d'autres délits, que ce soit la sollicitation, la sodomie, la bigamie, toutes sortes de mœurs qui effectivement sont de plus en plus réprimées, en particulier à partir du Concile de Trente au XVIe siècle. Donc c'est vrai que si on devait retenir justement une idée, c'est que cette coexistence est moins passive que on le croit souvent pour l'époque médiévale en particulier. C'est très important de le rappeler, hein, entre nos représentations, en tout cas celles qui nous ont été offertes, et puis le travail des historiens, des historiennes, il y a souvent un écart, c'est cet écart qui nous intéresse. Avec vous également, Youssef El Alaoui, bonjour. Bonjour. Eh bien, dans cet écart, nous avons un écart temporel qu'il faut prendre en compte. Nous pensons à la Reconquista et cette date surgit, 1492, la prise de Grenade, oui, mais la Reconquista doit se comprendre sur un temps long. Tout à fait. La première image que l'on a quand on entend Reconquista, c'est en fait celle de la guerre, celle de l'affrontement entre l'islam et la chrétienté. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, en fin de compte. C'est un concept assez très polysémique et qui suscite donc un grand intérêt historiographique aujourd'hui. Il y a beaucoup de débats, donc surtout en Espagne. Il est considéré comme en fait la clé de voûte du Moyen-Âge espagnol. Ça, c'est la Déloquesada qui le dit. Et quels sont les problèmes que pose ce concept de Reconquista? Tout d'abord, un problème historiographique sur depuis quand on utilise ce mot, donc, et quand est-ce qu'il est apparu. Et on se rend compte que finalement, donc, ce mot-là n'existait pas à l'époque donc des faits. Le terme Reconquista n'existait pas à l'époque des faits. Il apparaît surtout à partir du XVIIIe siècle dans le sens effectivement de cet affrontement entre islam et chrétienté. Et ensuite, bon, bien sûr, le concept, l'idée que recouvre le mot de Reconquista, comme nous allons le voir, commence à se forger effectivement à cette époque-là, mais le mot n'existe pas. Donc ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Donc c'est surtout au XIXe siècle, dans le débat autour donc de l'identité de l'Espagne, que va surgir donc effectivement ce concept-là. Alors il est polysémique aussi, donc il est polysémique parce que bon, tout d'abord c'est une époque. Donc, comme vous venez de le dire, vous avez parlé de 1492, donc c'est la fin, en fin de compte, de la Reconquista, de ce qu'on appelle la Reconquista, donc avec la prise de Grenade en janvier de 1492. Et c'est une période qui commence, en fait, avec l'arrivée, l'invasion, la conquête, donc musulmane, en 711. D'accord? Donc c'est une période historique. Et c'est aussi un processus historique, Donc la Reconquista, en fin de compte, ce qu'on appelle la Reconquista, c'est un processus historique qui donc va surtout commencer à, bon, en principe à partir de 722, la fameuse bataille de Covadonga qui est remise en question aujourd'hui par des historiens, mais en tout cas disons que à partir donc du 9e 10e siècle, on va dire que voilà, là donc cette Reconquista commence, elle est imparable à partir du 11e siècle et donc elle avance et donc cette frontière dont vous avez parlé tout à l'heure, frontière entre islam et chrétienté, qui n'est pas simplement donc une muraille, une délimitation, c'est aussi un espace hein, entre ces deux mondes, va avancer progressivement donc jusqu'à Grenade en fin de compte, à l'Andalous, hein, va se retrouver donc réduite à la portion congrue donc du royaume de Grenade. Et le troisième point, et je termine avec celui-ci, c'est donc c'est pour ça que les historiens donc qui traitent ces questions-là n'aiment pas trop ce concept de Reconquista, c'est qu'il est très idéologisé. Donc c'est un concept très idéologisé. En fait, il surgit en fin de compte donc cette idée donc de Reconquista est née en fin de compte dans un milieu mozarabe. Hein, los mozárabes donc ce sont ces chrétiens qui vivaient donc en territoire musulman qui vont se réfugier dans le nord donc de la péninsule et autour donc du 9e donc 10e siècle vont commencer donc à écrire en fait des chroniques dans lesquelles cette idée hein, en fin de compte donc de récupérer en fait un territoire perdu, une unité perdue va commencer à voir le jour. Mais c'est surtout au XIIIe siècle, avec Jiménez de Rada, en fait, que nous avons donc ce mythe, et j'utilise vraiment avec mes étudiants donc cette idée de mythe dans le sens de construction, le mythe de la perte de l'Espagne, et donc le mythe de la restauration, et donc restauration ici a le sens donc de reconquista, restauration, récupération de l'Espagne perdue. Et ça, en fait, va s'accompagner ensuite donc de cette disons idéologie donc de la reconquête, qu'on appelle l'idéologie de la reconquête, donc la lutte contre les infidèles, donc la lutte pour sauver l'Espagne. Alors ça, c'est une invention, mais qui a fonctionné finalement. Elle s'est convertie en un moteur, en fin de compte, donc de cette guerre contre les musulmans. Et donc voilà, ça va permettre hein, aux troupes chrétiennes donc d'avancer. Hein, donc, mais c'est beaucoup plus complexe parce que au niveau de cette frontière là. Donc, on verra qu'il y a donc effectivement donc des minorités qui seront en contact. Et je remercie donc Natalia d'avoir commencé en parlant de la convivencia et de la coexistencia. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Oui, et c'est pour ça que nous sommes passionnés dans le cours de l'histoire de réfléchir à la relecture sans cesse des événements du passé. C'est le cas pour la Reconquista. La Reconquista, c'est du temps, ce sont des lieux, de l'idéologie aussi, vous nous l'avez rappelé, et des gens également. Le peuple castillan, si volontiers et si légitimement orgueilleux de sa grandeur, de son expansion à travers le monde, a la coquetterie de conserver dans ses traditions verbales le souvenir de sa modeste origine. De ce temps où la Castille était un petit coin de terre, dont le tas de cailloux des montagnes d'Oca, au nord de Burgos, marquait la limite. Estonce era Castilla un pequeño rincón, era de castellanos montes d'Oca mojón. On ne sait plus si c'est vers du poème de Fernand González, qui est à la fois la chronique et l'épopée des premiers temps de la Reconquête, furent déjà empruntés au XIIIe siècle à un proverbe existant, ou si le proverbe, qui court encore aujourd'hui, nous est venu du poème. Ainsi, d'étape en étape, et de siècle en siècle, de ligne de colline en ligne de colline et de sierra en sierra, comme le joueur d'échecs déplace et place ses tours, le grand comté reconquérant, bientôt devenu royaume, déplaçait et plaçait ses villages-châteaux, ses villes-forteresses, pour protéger les terrains acquis et pour briser les razzias musulmanes. Voilà, tout est dit dans Les Faiseurs d'Histoire, c'est sur France Inter en 1982. Une reconquête sur le temps long avec des territoires. Natalia Mouchnik, mais sur ces territoires, il y a des juifs. Comment ces juifs sont-ils appréhendés par l'Inquisition en tant que telle, juif, c'est un juif. Ça pose un problème pas particulier à l'Espagne, c'est quelque chose qui est courant à l'Europe. C'est le juif converti qui va intriguer les juges de l'Inquisition. Oui, effectivement. Là encore, on revient à toute la problématique des termes. C'est-à-dire qu'après l'expulsion, 1492, pour l'Espagne, mais il ne faut pas oublier aussi le Portugal. On pense souvent à l'Espagne, mais n'oublions pas qu'effectivement le Portugal est étroitement lié et on est effectivement dans une expulsion quelques années plus tard. Beaucoup de Juifs qui s'étaient réfugiés au Portugal. Les chiffres sont toujours très, très douteux et sujets à caution pour cette période-là, mais donc de dizaines de milliers qui s'étaient réfugiés au Portugal sont expulsés quelques années plus tard, en 1496-97. Donc, il faut penser qu'après cette expulsion, en principe, il n'y a plus de juifs en Espagne et au Portugal, et dans les empires. N'oublions pas les empires. Quand on parle, il faut bien penser que la particularité de ces inquisitions, et ça rejoint aussi toute cette question des exils dont vous parlez cette semaine, il faut penser qu'effectivement, l'inquisition, c'est une institution qu'on trouve dans l'ensemble des empires, et espagnols, et portugais, c'est-à-dire à la fois dans ce qui était alors les Indes occidentales, donc l'Amérique latine au sens large, avec l'Amérique centrale également, mais aussi aux Indes orientales, et il y avait un tribunal à Goa. Donc il faut penser qu'effectivement, c'est quand on pense à l'exil, et alors là, je serais plus général que de parler simplement de marane. Il faut bien penser que le terme de marane, tout à l'heure Youssef parlait de ces termes qui ne sont pas utilisés à l'époque, le terme de marane n'était pas utilisé à l'époque. Et il faut penser aussi que beaucoup des individus, aussi bien morisques que maranes, qui étaient poursuivis par l'Inquisition, n'étaient pas forcément des crypto-musulmans et des crypto-judaïsants. Mais ce qu'ils avaient de particulier, c'est qu'effectivement, ils étaient pour les uns d'origine musulmane et pour les autres d'origine juive. Et donc, du côté des juifs, on les appelle les judéo-converts, c'est-à-dire d'origine juive convertie. Et l'Inquisition, alors il y a une particularité du côté, si on doit mettre face à face, si vous voulez, les morisques et les judéo-converts, la particularité des morisques, c'est qu'on utilise le même terme pour ceux qui sont d'origine musulmane et ceux qui pratiquent en secret l'islam. Alors que du côté juif, si vous voulez, on a des termes différents. On a crypto-judaïsant, judéo-convert, marane, ça fait beaucoup de termes, j'imagine, pour les auditeurs, c'est un peu complexe, mais c'est important parce que l'Inquisition joue aussi sur ça. Elle joue sur le fait que quelqu'un qui est d'origine musulmane ou juive est censé, d'une certaine manière, est suspect de pratiquer en secret. C'est toute la problématique que l'on pose. Donc, effectivement, l'Inquisition suspecte ces individus, mais là encore, il faut voir ces questions à plusieurs dimensions. Il y a cette poursuite des hérésies, qui est la raison d'être de l'Inquisition au départ, mais il y a aussi d'autres motifs, il y a des motifs politiques. Il faut penser que l'Inquisition espagnole a de ça de particulier par rapport à l'Inquisition médiévale, qu'elle est étroitement liée au pouvoir. Elle dépend du souverain et non pas du pape comme les inquisitions médiévales. Et donc elle est étroitement liée au politique, elle est étroitement liée à l'économique aussi. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un est arrêté, on séquestre ses biens. S'il est condamné, on confisque ses biens. Donc on voit tout de suite les multiples dimensions qu'il y a derrière cette institution qui est l'Inquisition, qui est justement à la fois très liée à toutes ces dimensions de la vie ibérique, au sens large, je inclus aussi le Portugal et les empires, dans cette poursuite des individus. Il y a toutes sortes de dimensions, et aussi les individus qui ensuite partent en exil. Alors là, le cas des morisques est un peu particulier. On a dans le cas des morisques une expulsion, ce qu'on n'a pas du côté des judéo-converts qui partent, de même, d'une certaine manière, vers l'Europe à partir du 16e, 17e, 18e siècle. Et je terminerai par là, je ne veux pas être trop longue, mais il y a un autre élément important à joindre à l'Inquisition, c'est la question des statuts de pureté de sang, qui est très importante, parce que sinon on ne comprend pas aussi toutes les formes de répression que subissaient donc et les morisques et les judéo-converts, c'est-à-dire pour simplifier au maximum, qu'il y a une coupure dans les sociétés ibériques entre ce qu'on appelle les vieux chrétiens, ceux qui sont censés être d'origine purement catholique, dont le sang est dit pur, et ceux et les morisques et judéo-converts, que l'on appelle les nouveaux chrétiens, qui, à partir du XVIe siècle, se voient limiter, voire annuler toute possibilité d'entrer dans un certain nombre d'institutions ibériques, que ce soit les ordres de chevalerie, que ce soit l'Inquisition, que ce soit certains ordres religieux, que ce soit les collèges d'université, etc. Donc il faut voir vraiment l'Inquisition avec tout ce qu'elle a autour pour comprendre un petit peu à la fois les mesures de contrôle sur ces individus morisques comme judéo-converts et également pourquoi les uns vont partir volontairement, les autres pas vraiment, puisqu'on a un cas d'expulsion au début du XVIIe siècle. Trajectoire d'exil face à l'Inquisition espagnole. Amina Alaoui, musique arabo-andalouse du Maroc, Youssef El Alaoui. Dans ces exils qui nous intéressent, pour les musulmans, comment cela se passe-t-il? 1492, la dernière place musulmane en Espagne, en Andalousie, Grenade, chute. Les musulmans s'en vont tous? Non, bien sûr, certains restent. Comment ça se passe pour eux? Justement, cette reconquista, en fait, qui est, comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc, est aussi un processus, donc, et cette frontière qui va avancer, donc, nous avons des musulmans qui vont se retrouver, qui vont se replier sur, donc, Grenade, mais des musulmans qui vont rester en territoire chrétien. Donc, ce sont ces musulmans qu'on appellera les Mudéjars, los Mudéjares, non? Et donc, à la prise de Grenade, donc, à la conquête de Grenade, après la conquête de Grenade en janvier 1492, on se retrouve dans une situation particulière. Il y a, donc, des musulmans, donc, c'est, qui sont des Mudéjares, finalement, donc, des sous domination chrétienne, hein, et qui vont, donc, en fin de compte, cohabiter, entre guillemets, qui vont coexister pendant une période, donc, dans cette Grenade, désormais chrétienne, en tout cas, politiquement chrétienne, et jusqu'en 1499, où la pression, donc, des autorités va s'accentuer sur eux, donc, pour les pousser, en fin de compte, à se convertir, il y a, donc, des décrets, en fin de compte, donc, de conversion qui seront publiés surtout donc en 1501 pour Grenade et en 1502 pour la couronne de Castille et un autre un peu plus tard donc pour donc la couronne d'Aragon et donc le royaume de Valence en 1525. Donc il faut dire que officiellement en fin de compte en Espagne donc il n'y aura plus donc de musulmans hein, à partir de 1501 1502 ils seront donc contraints donc de se convertir. Alors dans le cas du royaume de Valence ça ressemble un petit peu à ce qui s'était passé donc en 1391 avec les Juifs, donc la contrainte a été faite, donc en fin de compte par la base, en fin de compte il y a eu des révoltes et donc les Ahermanados, donc c'était donc les donc en fait des révoltes qui ont poussé en quelque sorte, qui ont forcé donc certains Mudéjars à se convertir au christianisme. Mais en tout cas, à partir de 1525, on considère qu'il n'y a plus officiellement donc de musulmans et va se poser le problème qu'a soulevé encore donc et c'est vraiment génial donc Nathalie tout à l'heure le problème donc de la sincérité donc de cette conversion hein, donc la suspicion hein, va depuis le début en fin de compte être reliée à l'histoire de ces morisques et donc en fin de compte les morisques sont ces Mudéjares, donc sont ces descendants donc de ces musulmans donc qui étaient arrivés en Espagne en 711 huit siècles auparavant qui vont donc se convertir la plupart du temps donc par la contrainte donc au christianisme et donc voilà c'est on peut plus dire donc théoriquement on peut plus parler donc de musulmans même s'il y aura donc tout le problème donc du crypto-islam hein, qui va se poser donc jusqu'à l'expulsion définitive de 1609-1614, une expulsion, je voudrais le dire pour fermer, pour la boucle en fin de compte, qui sera considérée par certains auteurs comme la fin de la Reconquista, parce qu'on considère que la fin de la Reconquista c'est 1492, mais en fait pour certains auteurs, les apologistes donc de l'expulsion des Morisques, les partisans de l'expulsion des Morisques, vont considérer que Philippe III avait finalement bouclé la boucle et avait expulsé donc d'Espagne ses descendants des envahisseurs, donc en fin de compte les Morisques apparaissaient comme des illégitimes apparaissaient comme en fin de compte donc des descendants de ces tyrans qui avaient donc envahi l'Espagne. On ne reconnaissait pas donc en fin de compte leur hispanité et donc voilà Philippe III le Lion avait réussi donc en fin de compte à débarrasser l'Espagne donc de ces musulmans alors qu'ils étaient en fin de compte des nouveaux chrétiens hein, dans les textes on les appelle cristianos nuevos de moros hein, le terme morisque apparaît donc dans les années 20 du 16e siècle hein, pour signifier effectivement qu'ils étaient en fait donc des nouveaux chrétiens, d'accord. Il faut attendre 1609 pour renverser la chronologie et c'est ça qui est passionnant hein. Regardez cette histoire sur le temps très long. Youssef El Alaoui, nous pouvons nous poser également la question de ceux qui partent. L'exil nous intéresse aujourd'hui particulièrement dans le cours de l'histoire. Certains restent, se convertissent, il y a un doute de la part de l'Inquisition, notamment sur la sincérité de cette conversion. Quant à ceux qui partent, on imagine que la logique, c'est l'actuel Maroc, l'Algérie, c'est vers là où ils s'en vont. Tout à fait. Donc en fait les départs vers la Berbérie en fait, vers le Maroc, l'actuelle Algérie, donc Tunis, donc se font même avant donc l'expulsion. Il y a tout un mouvement en fin de compte donc qui part par la France d'ailleurs parce qu'il était très risqué de partir par mer si on se faisait attraper donc on risquait d'avoir des gros problèmes. Donc il y a donc une route plus longue mais qui partait par la France donc soit donc vers le Maroc depuis Saint-Jean-de-Luz et donc soit donc depuis les ports méditerranéens vers Alger ou bien vers donc Tunis, mais on pouvait partir aussi vers l'Empire ottoman, hein, à travers Venise, et donc partir en Tunis. Donc c'est vrai que lorsqu'il y a eu donc le premier décret d'expulsion de 1609, qui n'a pas été organisée. En fin de compte, l'expulsion n'a pas été organisée. Les Morisques de Valence, qui ont été les premiers donc à être expulsés d'Espagne, se sont retrouvés donc sur les plages d'Oran. Hein, en fin de compte, donc, et l'accueil des populations autochtones n'avait pas été donc très très très bon. J'ai vu que sur le site donc internet, vous avez mis l'un des tableaux de la collection Bancaja sur donc qui retrace donc justement les étapes donc de l'expulsion des Morisques. Et il y a le tableau donc que vous n'avez pas mis, mais il y a le tableau donc sur l'arrivée donc justement de ces Morisques à Oran, où l'accueil est vraiment par des populations donc qui sont en fait nomades, donc qui traversent donc des périodes donc de famine, etc. Donc l'accueil n'est pas bon, mais le Maroc et donc Tunis vont réagir rapidement pour donc porter secours à ces populations qui seront en fin de compte intégrées donc dans ces pays après une phase de réislamisation, parce qu'il ne faut pas oublier que ils ont été expulsés quand même après l'Inquisition, quand même, pas seulement l'Inquisition, l'Église, l'Inquisition avait fait un travail donc sur la longue durée, donc qui avait porté quand même ses fruits, donc en quelque sorte, en partie. Hein. Donc c'est vrai qu'on avait attaqué donc les fondements de la religion musulmane, on avait donc attaqué les structures donc de la religion musulmane. Donc en fin de compte, persécution d'Al-Faqih, etc. Donc coupure avec donc la langue arabe, etc. Donc du coup, il a fallu les réislamiser. Hein. Ce mouvement-là se produit même, d'ailleurs, peut-être que Natalia en parlera, même en Europe, donc au XVIIe siècle, hein, donc de rejudaïsation de certains maranes. Donc mais là, c'est pareil. Oui, donc, c'est un phénomène extrêmement complexe, et merci d'avoir cité le site du cours de l'histoire franceculture.fr avec ce tableau qui représente l'expulsion des morts. Une histoire mondiale, nous l'entendons bien, une histoire d'exilés, une histoire locale aussi pour ceux qui sont restés musulmans ou juifs, ceux qui sont restés en terre chrétienne. Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ? Salomon est juif. Oh ! Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin ? France Culture. Mais il n'est pas juif. Ah si. Le cours de l'histoire. Mais pas toute votre famille. Si. Xavier Mauduit. Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Louis de Funès dans Les Aventures de Rabbi Jacob, le film de Gérard Houry en 1973. Natalia Mouchtik, pour les Maranes, donc les Juifs qui sont alors restés, mais qui restent Juifs. Vous savez, c'est toujours ce problème avec le mot juif, avec la majuscule pour le peuple et avec la minuscule pour la religion. C'est là que tout se joue pour les inquisiteurs. C'est la sincérité d'une conversion. Mais il y en a beaucoup sont restés. C'est ce que cherchent les inquisiteurs? D'abord, effectivement, il est quand même, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'ils ne sont pas juifs. C'est-à-dire, les Morisques, comme les Maranes ou les judéo-convers, sont chrétiens. Je pense que c'est important parce que c'est aussi prendre la mesure, notamment, je pense que Youssef pourra le dire mieux que moi, mais de ce que représente, par exemple, l'expulsion des Morisques au début du XVIIe siècle. On expulse des chrétiens, on n'expulse pas des musulmans. Et c'est toute la complexité de la même manière. Donc, l'Inquisition n'a, encore une fois, de juridiction que sur les chrétiens. Et je pense que c'est important, d'abord, pour ne pas surdéterminer les pratiques des individus qui sont pas aussi nettes, qui sont pas, on est soit crypto-judaïsant, soit on est catholique. Souvent, on est un peu dans l'entre-deux. Alors, c'est un peu particulier pour les Morisques par rapport aux judéo-convers ou aux crypto-judaïsants, parce que sociologiquement, ce sont des populations plutôt, si on devait schématiser, assez distinctes. Les Morisques, on les retrouve souvent dans des villages ou dans des quartiers urbains relativement groupés, où les pratiques, semble-t-il, sont plus restées. L'arabe est encore parlé dans certaines régions d'Espagne, hein, pas toutes, hein, c'est un des problèmes justement de la réislamisation une fois arrivé au Maghreb. Mais les pratiques restent mieux, ils sont plus effectivement entre eux, des pratiques d'endogamie sont plus fréquentes. Du côté des judéo-convers, on a des individus qui souvent, pas de manière exclusive, mais souvent sont négociants, plus mobiles, plus dispersés dans les cadres urbains, sont plus urbains, moins effectivement ruraux, plus dispersés et où les pratiques sont beaucoup plus diluées. Donc en fait, la frontière, si vous voulez, entre qui est qui, est beaucoup plus floue qu'on ne le croit. Et je pense que c'est important pour aussi mettre en perspective justement ces trajectoires d'exil dont vous parlez. Et l'Inquisition, en réalité, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est toute la problématique pour les historiens, c'est les sources dont on dispose. Et le problème, c'est que pour cerner les pratiques de ces individus, on dispose avant tout des sources inquisitoriales qui sont extrêmement riches. Elles ont produit une historiographie immense qui ne cesse de grandir parce que l'Inquisition note tout. Elle note tout, que ce soit les biens des individus, que ce soit les témoignages au mot près. Évidemment, ce sont des sources qui sont biaisées quand on pense aux témoignages, biaisées parce que l'individu, évidemment, parle sous notamment la torture, hein, qui est un élément de la procédure judiciaire, mais dans l'acquisition comme d'autres systèmes judiciaires de la période, hein, donc c'est pas exceptionnel, qui sont aussi biaisées par les catégories de pensée de la personne qui écrit, en l'occurrence le secrétaire inquisitorial, mais tout de même, on a des sources extrêmement riches, mais qui sont toujours schématisées, et dans lesquelles on doit lire, un peu comme ce que faisait Carlo Ginzburg avec Le fromage et les vers, de lire justement ce qui sort de l'habituel, ce qui sort des cadres de pensée de l'inquisiteur, qui pose les questions et qui s'attend à des réponses. L'inquisiteur n'a pas besoin, si vous voulez, de pratiques très très très développées, et il a besoin que cela rentre dans ce cadre de pensée pour déclarer quelqu'un est coupable. Et ce qui fait que, pour l'historien, c'est extrêmement complexe de dire quelles étaient les pratiques, de dire quelles étaient les identités. Dans les meilleurs des cas, et c'est l'avantage peut-être, même si on peut le retrouver, mais de manière différente pour les morisques, enfin, ce qu'on appelle les Andalous, hein, lorsqu'ils arrivent au Maghreb, pour un terme générique, mais pour les judaïsants, on dispose des sources des communautés où ils se sont installés par la suite. Mais ça reste effectivement très difficile, très flou, toujours sujet à caution, donc il faut être vraiment très précautionneux, et la pire des choses étant de prendre comme argent comptant tout ce que dit l'inquisiteur, c'est d'être inquisiteur soi-même, et de considérer que les origines ethniques sont un facteur de religiosité, un facteur de religiosité. Peut-on dire qu'il y a plusieurs phases d'exil ? Il y a cette première phase où des juifs ou des musulmans quittent l'Espagne, ça c'est la première phase, et puis ensuite il y a cette seconde phase où des morisques d'origine musulmane et où des maranes d'origine juive sont obligés de partir, mais ils partent en tant que chrétiens. Ce sont plusieurs exils en fait qui se croisent dans cette histoire-là. Disons qu'il faut, ça Youssef l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment voir ces histoires d'exil et de migration sur le temps long, comme c'est le cas pour d'autres diasporas. J'ai eu l'occasion de travailler par ailleurs sur d'autres diasporas pour essayer de comparer justement ces diasporas ibériques, et c'est vraiment sur le temps long. Pour ce qui est par exemple des juifs, qui sont donc expulsés en 1492, les exils avaient commencé, Youssef a parlé des pogroms de 1391, notamment en Andalousie, mais pas simplement, ils ont commencé à s'exiler dès cette période-là. Et on retrouve ensuite des catégories, différentes catégories d'émigrés dans, par exemple, au Maghreb, entre les Mégorachim, qui sont les expulsés, et les Toshavim, qui étaient là auparavant, mais qui sont quand même beaucoup des Ibériques. Donc, différentes couches de migration. Donc, d'abord, effectivement, des Juifs, des Musulmans. Ensuite, des Chrétiens, qu'ils soient d'origine juive ou d'origine musulmane. Et on retrouve justement ces différentes couches de population qui ont des bagages culturels, identitaires, totalement différents. Mais je pense que c'est vraiment important de voir sur le temps long, avec, évidemment, des périodes de sursaut comme sont les expulsions, bien entendu, où là tout d'un coup les chiffres, alors évidemment les chiffres, Youssef me corrigera, sont vraiment toujours sujets à caution, mais il faut imaginer par exemple pour que les morisques, on est quand même autour de 70 000, 80 000, enfin là c'est toujours un peu, là on parle en termes de feu et pas en termes d'individus, de foyers familiaux, mais dans chacun des territoires du nord de l'Afrique. Donc il faut imaginer les contingents qui arrivent et ce que ça représente pour les sociétés d'accueil et aussi les individus. Chez les judéo-converts, chez les maranes, on est dans des migrations après l'expulsion, beaucoup plus perlées, beaucoup plus réduites en termes numériques, mais qui s'installent dans des communautés qui ont souvent progressivement cet héritage marane et qui donc sont elles-mêmes spécifiques. Donc il y a des cas de figure dans ces trajectoires qui sont assez distinctes mais qui sont très intéressantes à confronter pour ces deux populations. Toujours ça, hein, dans l'histoire d'exil, il y a les mouvements, les flux et puis il y a les individus. C'est d'ailleurs toujours essentiel quand on fait de l'histoire. Natalia Mouchnik, vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous avez publié avec Mathilde Monge « L'Europe des diasporas, 16e-18e siècle », publié aux presses universitaires de France. Un regard très large sur l'Europe parce que il y a le temps long et puis il y a la géographie. Vous avez évoqué ces sources, les sources de l'Inquisition, bien sûr biaisées, mais heureusement l'historienne que vous êtes dispose d'autres sources. Tous les exilés de Jérusalem en Espagne quittèrent cette contrée maudite le cinquième mois de l'année 5252, c'est-à-dire en 1492, et de là se dispersèrent aux quatre coins de la terre. Les Juifs s'en allèrent où le vent les poussa, en Afrique, en Asie, en Grèce et en Turquie. D'accablantes souffrances et des douleurs aiguës les assaillirent. Mon Dieu, nous ne t'avons pas oublié, ni trahi ton alliance. Mais à présent, hâte-toi de nous secourir, car c'est pour toi qu'on nous égorge tous les jours et qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Accours à notre aide, Dieu de notre salut, soutiens notre cause et sauve-nous pour l'amour de ton nom. Pierre-Marie Baudouin dans le cours de l'histoire qui lisait cet extrait d'un ouvrage de Joseph A. Cohen d'Avignon, La vallée des pleurs. Nous sommes à la fin du XVIe siècle, en 1575. Natalia Mouchnik, l'exil, c'est aussi la mémoire de l'exil. Est-ce que pour les Juifs ou les Maranes, donc ces chrétiens considérés pas tout à fait chrétiens par l'Inquisition, est-ce que l'Espagne demeure sans cesse présent dans la narration, dans la mémoire ? Disons que c'est une particularité de ces deux populations, alors de manière différente, hein, Youssef le dira sans doute pour les Mourisques, mais effectivement, l'Espagne reste un point de référence constant. C'est du reste, hein, si on compare avec d'autres diasporas de la période, le souvenir de la terre d'origine, je pense en particulier aux protestants français qu'on appelle huguenots qui partent, notamment à la fin du XVIIIe siècle, mais pas simplement, la terre d'origine reste fondamentale dans la culture, dans aussi les pratiques linguistiques. Il faut penser par exemple que les judéo-converts, donc maranes, qui partent à partir du 16e, 17e, 18e siècle, continuent à parler le portugais et l'espagnol vernaculaire, qui correspond un peu à cette grande période, enfin à la langue qui est parlée au siècle d'or, hein, je rajoute le Portugal pour les judéo-converts qui est une terre d'origine importante, alors que l'Espagne reste dominante, par exemple, pour les juifs qui sont expulsés d'Espagne à la fin du XVe siècle. Donc évidemment, la terre d'origine reste fondamentale, elle est un des éléments qui fait le lien dans ces diasporas. On retrouve là aussi dans d'autres diasporas ce même phénomène. Elle est un des éléments communs qui soude des populations qui sont extrêmement diverses. Et je pense que c'est important de voir cette tension entre les éléments d'unité, de cohésion, dans supranational, par-delà les distances parfois très très longues, et en même temps les facteurs d'hétérogénéité. Et donc la terre d'origine est celle dont on se souvient, celle dont on rêve de retourner, même si on ne le fait jamais, qui est l'élément qu'on trouve dans les bibliothèques. Hein. Je vous prends un exemple, alors il était d'origine marane, mais il est tout de même assez connu. Si on regarde la bibliothèque de Spinoza, Amsterdam, elle est parsemée d'ouvrages du siècle d'or espagnol, de Quevedo, de Góngora, de la Bible de Ferrare. Donc il y a cette présence de l'Espagne, de l'espagnol, de la culture qui reste présente des générations après, puisque Spinoza, en l'occurrence, était né à Amsterdam. Donc je pense qu'effectivement, c'est un élément de lien assez important qu'on retrouve. Hein. Il y a aussi toute cette mythologie autour de la terre d'origine chez les Morisques, même si je pense qu'elle se joue, hein, Youssef nous le dira, dans des termes un peu différents. Vous citez Spinoza, je cite Enrico Macias. C'est l'histoire de mon peuple en Espagne. Sous le règne d'Isabelle la catholique, c'est l'histoire de ce peuple nomade, en partance, en errance, en souffrance, au destin si tragique. On a quitté notre Jérusalem espagnole, désemparé, condamné à l'exil et aux larmes, persécuté, méprisé, écrasé sous les armes. Il nous a fallu des siècles pour avoir l'impression de renaître, quand la cité castillane nous a tendu la main de l'Espagne. Voici les clés de Tolède. Il n'y a plus de frontières, que l'amour chasse la haine dans nos cœurs et sur toute la terre. Voici les clés de Tolède qui gardent notre mémoire, que chaque pierre nous aide à tourner cette page d'histoire. De Constantine à Constantinople, on recherchait notre terre promise. Aujourd'hui s'ouvrent toutes les portes. on retrouve tous nos lieux de prière à côté des églises. On a prié et rêvé entre nous tant de fois de revenir à la source de nos origines. Des siècles après, nous pouvons replanter nos racines en ce grand jour d'espérance. Que le roi soit béni pour ce geste et que la fête commence. L'avenir s'occupera du reste. Voici les clés de Tolède, il n'y a plus de frontières. Que l'amour chasse la haine dans nos cœurs et sur toute la terre. Voici les clés de Tolède qui gardent notre mémoire. Que chaque pierre nous aide à tourner cette page d'histoire. Voici les clés de Tolède qui gardent notre mémoire. Enfin l'Alliance nous aide à tourner cette page d'histoire. Notre histoire, notre histoire. Les clés de Tolède, chantées par Enrico Macias, au moment où l'Espagne porte un regard sur son passé. Enrico Macias avait composé cette chanson dans le cours de l'histoire. Nous l'avons écoutée grâce à Laurence Millet qui réalise cette émission avec aujourd'hui à la technique Marie-Claire Oumabadi, le cours de l'histoire avec des trajectoires d'exil. Ces trajectoires d'exil nous font partir d'Espagne et aller un peu partout dans le monde. Youssef El Alaoui, dans la question de l'exil, il y a celle du nombre. A-t-on une idée pour les musulmans ou alors pour ceux que les inquisiteurs considéraient comme des chrétiens pas très très bien convertis, a-t-on une idée du nombre de personnes concernées ? En fait, il y a une sorte de consensus, mais bon, les chiffres sont sujets à caution. Entre 250 et 300 000 mauriques auraient été expulsés donc d'Espagne. Donc, ce qui fait quand même un nombre considérable. Bon, alors la population mauriques était surtout concentrée donc dans le royaume de Valence, hein, où il devait représenter à peu près 15% de la population. Hein, je dis ça à peu près, mais grosso modo, donc c'est ça. C'est, on est d'accord sur le fait qu'il y a à peu près 300 000 mauriques qui vont s'installer. Donc, en fin de compte, majoritairement en Tunisie, hein, l'actuelle Tunisie, une partie donc au Maroc aussi, donc les derniers expulsés d'ordre naturel, donc à Salé par exemple, avec la fameuse République corsaire de Salé, et une autre partie aussi donc à Alger. Certains donc s'installeront en Turquie, mais surtout, hein, principalement, c'est Tunisie, Maroc et donc l'actuelle Algérie. Et nous l'avons évoqué avec Spinoza et Enrico Macias, du côté juif et marane, il y a une nostalgie de la terre perdue. Trouve-t-on la même chose du côté musulman morisque ? Tout à fait. Il y a ressentiment et nostalgie. Ressentiment, donc, parce que voilà, ils ont été quand même déracinés. C'est leur terre. Ce sont des Espagnols. Hein, même des textes espagnols, donc des textes de jésuites, de dominicains, donc les considèrent comme des Espagnols parce que ils sont donc descendants de ces musulmans qui sont arrivés en 711, qui se sont mélangés avec les populations autochtones, avec les Hispanos Gordas. Donc, ce sont donc, en fin de compte, des descendants aussi, donc des Hispanos Gordos. Donc, en fin de compte, alors, ce n'est pas l'interprétation qui s'imposera, mais en tout cas, c'est leur terre, c'est leur patrie. Ils sont nés sur ce territoire. 8 siècles quand même donc de présence donc en Espagne, et donc voilà, il y a ce déracinement finalement, non, et il y a beaucoup de retours. Ça, il fallait y insister là-dessus. L'histoire des Mauriques ne s'arrête pas à l'expulsion. Il y a maintenant un intérêt justement pour étudier donc ce retour. On retrouve des traces donc de ces Mauriques qui reviennent clandestinement, sachant qu'ils encourent donc des risques, donc voilà, aussi bien donc depuis le Maghreb que par exemple donc l'exil en France, parce qu'il y a des exilés espagnols en France. Alors il y a quelques Mauriques, mais ils sont vraiment insignifiants, il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas, ces exilés donc rêvent toujours de revenir en Espagne. Mais il y a toujours ressentiment et en même temps nostalgie, et un rêve pour certains, hein, un rêve donc de récupérer cette terre perdue aussi, donc de revenir donc à l'époque d'Al-Andalus. Ils quittent l'Espagne en passant par la France, et certains reviennent en Espagne en repassant par la France. Et qui croisent-ils ? Le cardinal de Richelieu. L'Espagne était remplie de Mauriques, qui étaient ainsi appelés parce que de père en fils, ils descendaient des morts. qui l'avaient autrefois subjugué et commandé 700 ans durant. Étant traité comme esclave, il cherche les moyens de se mettre en liberté. Le soupçon qu'on en a fait qu'on leur ôte toutes leurs armes, et particulièrement au royaume de Grenade et de Valence, où tout le peuple était presque infecté de ce venin. Il ne leur était même pas permis de porter des couteaux s'ils n'étaient épointés. Pierre-Marie Baudouin qui lisait cet extrait des mémoires du cardinal de Richelieu pour l'année 1610. Nous sommes donc juste un an après le décret définitif de l'expulsion des musulmans et morisques, Youssef El Alaoui. Dans ce que nous entendons là, eh bien, il y a comme un décalage géographique, la vision d'un Français sur ce qui se passe en Espagne. C'est vrai que nous nous concentrons sur l'Espagne, sur le sujet qui nous intéresse. Y a-t-il un phénomène européen pour ces musulmans ? En tout cas, en ce qui concerne l'histoire de la France et des Morisques, on pourrait la dater en fait entre 1580, hein, on va dire les premiers contacts. Certains pensent même un petit peu avant, donc dans les années 70, le premier contact donc des Morisques avec donc des Français pour essayer donc voilà d'en faire des alliés, hein, donc il y a des projets en fin de compte donc d'envahir l'Espagne donc ou bien donc de recevoir donc des aides militaires de la part de la France pour pouvoir donc renverser la situation. Donc 1580, premier contact, et disons que avec le passage des Morisques donc par la frontière française donc en 1610, hein, cette histoire va durer en fait un an, hein, donc entre 1610 et 1611. 1611, donc pratiquement tous ces Morisques partent donc de France, hein, par les ports donc de la Méditerranée. En fait, on retrouve encore des traces donc de Morisques donc jusqu'en 1630, des traces comme ça. Donc, mais en principe, l'histoire donc des relations entre la France, les Morisques et la France, donc s'achève, hein, avec leur expulsion donc entre 1610 et 1611. Alors, il y a une présence donc qu'on n'arrive pas encore à quantifier, mais elle est résiduelle. Donc, moi, je dis souvent qu'écrire une histoire donc des Morisques en France serait un petit peu donc pas prétendu. Mais en tout cas, avec ce que l'on sait aujourd'hui, ce serait insuffisant. Mais histoire de Morisques, donc de certains Morisques qui se sont installés en France, effectivement, il y en a. On pourrait faire donc des choses intéressantes, comme avec un Morisque sur lequel nous avions travaillé avec mon collègue Luis Bernabé Pons, Alonso López ou Alphonse de López, qui est devenu donc en fin de compte un confident de Richelieu et un homme très intéressant qui ferait donc bien l'objet d'une série ou d'un film. Donc avis aux amateurs, hein, il y a des choses à écrire là-dessus. Ce sont des destins. Youssef El Alaoui, vous êtes maître de conférence en civilisation espagnole et hispano-américaine à l'université de Rouen-Normandie. Rouen, vous nous parlez depuis France Bleu, Haute-Normandie. Et merci à la technique, à Pascal Coudurier, pour ce regard très particulier que nous devons porter sur ces histoires d'exil. Je vous pose la même question. Natalia Mouchnik, vous avez travaillé sur les diasporas avec Mathilde Monch et l'Europe des diasporas, 16e, 18e siècle. Y a-t-il un laboratoire espagnol, celui que nous évoquons depuis le début de cette émission, avec la volonté d'identifier ceux qui sont mal convertis, de les chasser? Dans le cas français, par exemple, est-ce qu'il y a un regard porté sur ce qui se passe en Espagne, comme une inspiration? Je pense qu'il faut, c'est pas seulement en France. On va peut-être effectivement ouvrir plus largement. C'est vrai qu'il y a toute cette légende noire autour de l'Inquisition, de l'Espagne. Bon, il y a aussi tout un fond économique, hein. C'est-à-dire qu'il faut imaginer comme l'Espagne qui expulse des dizaines de milliers d'individus et qui ensuite, malgré ses grandes richesses américaines, l'or et l'argent, finit par être relativement appauvri au XVIIe siècle. Donc, il y a si vous voulez, un laboratoire, je ne sais pas, en tout cas un exemple qui peut être un contre-exemple aussi. Il faut penser qu'en Europe, on est tout de même à une période où certaines théories mercantilistes, c'est-à-dire qui privilégient une forme de tolérance pragmatique, d'attirer les négociants pour privilégier la prospérité des sociétés, hein. C'est le cas à Amsterdam, c'est le cas ailleurs, c'est le cas effectivement avec Colbert en France. Donc, je dirais, je ne sais pas, un laboratoire, en tout cas un exemple qui est regardé, qui est observé, dont on tire parfois des leçons, dont on cherche à justement se différencier par une politique distincte. Donc, c'est vrai que si on a un regard plus large sur la politique vis-à-vis des minorités et des exilés. Il y a des oscillations, mais c'est vrai qu'il y a une forme de sélection. Si on pense aux judéo-convers, là, les Mauriques, là aussi, on retrouve ces deux populations qui sont réputées pour certaines caractéristiques qu'on apprécie en Europe. Hein, dans le cas des Mauriques, c'est l'irrigation. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on a cherché à les attirer sur les côtes italiennes pour aller irriguer, drainer des marais fortement infestés de moustiques qu'ils ont refusés. Ils ont envoyé des éclaireurs qui ont refusé de s'y installer. Donc ils sont réputés justement pour ces activités-là, en rapport avec l'eau, l'irrigation, le drainage, l'arboriculture. Du côté des judéo-convers et des maranes, c'est effectivement le négoce. Ce sont les réseaux internationaux qui ont des ramifications dans les empires ibériques et évidemment dans le négoce des objets, des produits, mais aussi dans la contrebande. Donc c'est ça qui attire, c'est ça qui fait que les autres nations profitent aussi de ce que l'Espagne ne veut pas, de ce que l'Espagne fait d'une certaine manière. Donc d'une certaine manière, effectivement, oui, une centralité de cette expérience espagnole, mais parfois dans le sens du rejet et dans le sens du justement, on ne fait pas la même chose. En tout cas, on est sélectif dans les immigrés que l'on accueille et on va profiter justement de cette manne des individus que l'Espagne rejette d'une certaine manière. Mais c'est très intéressant en plus d'imaginer ce regard extérieur sur ces exilés. Et puis il y a toujours cette question de l'identité même. Et c'est peut-être au cœur de toute cette réflexion, la religion comme forme d'identité. Et pour ceux, je pense aux Juifs qui se sont convertis, conserver une part de l'identité, c'est aussi le filtre qui nous permet de comprendre cette histoire d'exil. Oui, il faut aussi penser, Youssef parlait de ses étudiants, je dirais aussi que c'est ce que je dis aussi aux étudiants, il faut penser que dans cette période-là, le religieux n'a pas la même définition qu'elle a aujourd'hui. Il faut penser que les individus ont une identité même civile qui passe avant tout par le collectif. Pour les catholiques, ce serait la paroisse, les registres paroissiaux, on n'a pas d'état civil. Donc ils sont inscrits dans une communauté. Pour les étrangers, pour les minorités, c'est la même chose. Ils ont une existence et certains droits parce qu'ils sont inscrits dans un collectif. C'est ce qui fait que donc le rapport religieux va au-delà de ce qu'on peut concevoir aujourd'hui face à une religion face à laquelle on peut prendre ses distances, ne pas s'inscrire, ne pas croire et avoir une existence civile à part entière. À l'époque, on retrouve, c'est la raison pour laquelle justement ces populations sont religieusement très diverses, des populations qui s'inscrivent parmi le groupe des Mauriques, parmi le groupe des Maranes d'une certaine manière, mais qui peuvent avoir des croyances autres. Mais je pense que le religieux est fondamental dans cette identité, dans cette construction identitaire, parce qu'il y a toujours des débats sur ce qu'est l'identité, hein, aujourd'hui comme hier, mais parce qu'il est autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Il y a effectivement tout un système culturel, social, qui va au-delà du religieux en termes de croyances. Contextualisation, c'est la clé aussi. Merci beaucoup de ce regard d'historien, d'historienne à vous, Natalia Mouchnik. Et je rappelle, avec Mathilde Monge, l'Europe des diasporas ou encore Une vie de marane. Là aussi, il y a peut-être un scénario de film. Les pérégrinations de Juan de Prado dans l'Europe du XVIIe siècle. Et merci beaucoup Youssef El Alaoui. Morisque, c'est l'ouvrage que vous avez dirigé, une histoire si familière aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Merci à tous les deux. Il est merci temps de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Faut-il croire que sous l'Ancien Régime, les aristocrates se montraient nus devant leurs domestiques? Madame du Châtelet me dit de prendre une bouilloire qui était devant le feu et de lui verser de l'eau dans son bain parce qu'il se refroidissait. En m'approchant, je vis qu'elle était nue et qu'on n'avait point mis d'essence dans le bain, car l'eau en était parfaitement claire et limpide. Madame écartait les jambes afin que je versasse plus commodément et sans lui faire mal l'eau bouillante que j'apportais. En commençant cette besogne, ma vue tomba sur ce que je ne cherchais pas à voir. Honteux et détournant la tête autant qu'il m'était possible, ma main vacillait et verse l'eau au hasard. « Prenez donc garde, me dit-elle brusquement d'une voix forte, vous allez me brûler. » On ne se gênait pas devant ces laquais. C'était l'usage, et j'ai été amené à juger par mon propre exemple que leur maîtresse ne les regardait que comme des automates. Je suis du moins convaincu que Madame du Châtelet, dans son bain, en m'ordonnant de la servir, ne voyait pas même en cela une ombre d'indécence, et que mon individu n'était alors à ses yeux ni plus ni moins que la bouilloire que j'avais à la main. Cette confidence est tirée des mémoires de Sébastien Longchamp, le valet d'Émilie Duchâtelet, une aristocrate éclairée et femme de lettres qui fut la maîtresse de Voltaire. Pour le sociologue Norbert Elias, ce témoignage illustre l'absence de pudeur des nobles devant leurs domestiques au milieu du XVIIIe siècle, preuve que le processus de civilisation des mœurs était encore peu avancé. Dans mon histoire populaire de la France, j'ai souligné que cette confidence était instructive pour l'historien qui s'intéresse aux relations complexes entre la classe sociale et le genre. La domination qu'exerçaient les femmes de l'aristocratie sur leurs domestiques les incitait en effet à considérer ces derniers comme des automates et non comme des êtres humains ayant eux aussi un sexe. Cette chronique me donne l'occasion d'aller plus loin en évoquant la critique de l'analyse eliassienne qu'a développée l'historien allemand Hans-Peter Dürer. Ce dernier s'est appuyé sur de nombreuses sources pour affirmer qu'en réalité, les nobles ne se montraient pas nus devant leurs domestiques, même au moment du bain ou de la toilette. Si cela avait été une pratique courante, écrit Dürer, Longchamp n'aurait pas pris la peine de relater en détail cet épisode dans ses mémoires. Le trouble que la vue de la nudité de la marquise provoqua chez lui est bien la preuve que, contrairement à ce que Norbert Elias prétend, une telle attitude devait être totalement inhabituelle. Selon lui, cet épisode confirme surtout les propos de Voltaire, disant que la marquise était très portée sur les plaisirs de l'amour charnel. La critique de Dürer illustre l'une des principales divergences qui opposent fréquemment les historiens et les sociologues. Il reproche à Elias l'insuffisance d'une documentation qui n'est pas assez contextualisée, ce qui conduit ce dernier à attribuer un caractère de généralité à des pratiques atypiques, voire même exceptionnelles. Ces objections permettent certainement de nuancer l'analyse d'Elias sur le processus de civilisation, mais dans une autre chronique, j'expliquerai pourquoi, selon moi, elle ne l'invalide pas. Eh bien, nous attendons cette autre chronique, Gérard Noiriel. Merci beaucoup. C'était Le Cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne-Toscane Viudès, Marion Dupont, Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster, mais comme toutes les précédentes sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.